Tempête de Jules Breton. L'orage s'amoncelle et pèse sur la dune, dont le flanc semble nœud se dresse comme un mur. Par instant, le soleil y dardre, un faisceau dur, de rayons plus blafards qu'un blême éclat de lune. Les éclairs redoublés tonnent dans l'ombre brune. Le pêcheur lutte et cherche en vain un abri sûr. En bondissant, en fureur par l'océan obscur, l'âpre rafale hurle et harcèle la lune. Les femmes sur le port dans le tourbillon noir gémissent implorant une lueur d'espoir, et la tempête tord le haillon qui les couvre. Tout s'effondre, chaos, gouffre torrentiel. Sur le croulant déluge, alors voici que s'ouvre, en sa courbe irisée, un splendide arc-en-ciel.